Sixième partie. L'exécution de Pouet-Pouet. Nous voici de nouveau sur le parvis du tribunal. Alain Discret est entouré de quelques objets qui ont été libérés à l'issue du procès. Teuteur, Tabula, Mamisapette, Toto, Bouboule. Bienvenue sur El Chinois Déchaîné, la chaîne qui se déchaîne pour vous enchaîner. Ici, le parvis du tribunal de Saint-Gobain pour une retransmission en différé tout bouillon de l'exécution du monstre des Bacs à Sable. Pouet-Pouet, le vélo diabolique, qui a voulu doubler l'humanité pour régner sur le monde. Je suis en compagnie des protagonistes de cette affaire, Teuteur et toute sa bande, injustement accusés de complot contre l'humanité. Qui veut dire un mot? Tabula? Libérée, je suppose. Oui, libérée, mais pas soulagée. Nous serons soulagés quand ce trou dangereux aura été retiré de la circulation. Il faut mettre ce monstre hors d'état de nuire. Il a détruit notre vie. Il nous a détruits. Et il pourra recommencer avec d'autres. Il faut le détruire. Oui, il faut le zigouiller, l'écrabouiller, le pulvériser. Une jeune femme apparaît soudain, l'air scandalisé. Mais comment vous, des objets que j'ai toujours admirés, pour leur culture et leur esprit nuancé, comment pouvez-vous proférer de telles horreurs envers l'un des vôtres? Pouet-Pouet a peut-être fauté, mais ce n'est encore qu'un tout jeune objet. Mais je le connais! Moi aussi! Mais c'est pas possible! C'est pas... Brigue le turbo! Et oui, chers téléspectateurs, nous découvrons à l'instant la présence parmi nous de Brigue le turbo, la passionnaria des objets maltraités, la fondatrice de la SPO, autrement dit la Société Protectrice des Objets, et surtout, la présidente de la fondation Bricoline Turbo. Tendant son micro à Bricoline Turbo. Bricoline, un mot pour elle, chinois déchaîné? Non! Merci, Bricoline. Bricoline est entraînée hors de la scène par la bande à Teuteur qui lui réclame des autographes. Bricoline! Un autographe! Donc, vous l'avez entendu, la déclaration de Bricoline est, comme d'habitude, claire et franche. Elle a dit non. Non à quoi? Eh bien, sans doute à la dernière proposition de loi du gouvernement sur l'emploi des emballages en plastique. Mais nous allons en savoir plus, car voici de retour notre bande à Teuteur qui va pouvoir nous renseigner. Quoi? La bande à Teuteur? Quoi, la bande à Teuteur? Ah non, je crois que je me suis trompé, ce sont les fans. Effectivement, tous les fans des objets déferle sur la scène. Ils sont partis par là. En plus, la bricolée de Turbo va pouvoir faire plein d'autographes. Les fans disparaissent en coulisses à la poursuite de leur idole. Quoi? Les fans? Ah, Marie-Thérèse, une déclaration? Mais la fan de Mesurette revient et se place devant Marie-Thérèse. Moi j'en ai une. Mesurette, c'était pas une simple balance, c'était un pèse-lettre. Elle savait peser ses mots, et moi aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Donc, Marie-Thérèse. Ben moi je vais dire à Mamisapette ce que je pense. Alors pour moi, c'était la grand-mère de Smarty, de Tabula. C'était... je sais pas, quoi, c'était la famille, quoi. C'était... arrivé d'un bourreau, tirant derrière lui le petit vélo Pouet-Pouet, et suivi de la présidente Alain-Justine Crier. couvert par une cagoule, doit utiliser toute son énergie pour faire avancer le vélo qui résiste de toutes ses forces. Fouette, fouette, veuillez avancer. Le vélo reste immobile. La juge adresse un regard au bourreau qui tire Pouette-Pouette jusqu'au milieu de la scène. Pour avoir fomenté un complot sans précédent contre l'humanité et en raison de votre absence totale de coopération ainsi que de toute parole de repentir, je vous annonce que le tribunal vous a condamné à être démantelé ici même, de telle sorte que tous vos organes soient dispersés à des fins thérapeutiques dans des ateliers de réparation ou jetés dans des décharges publiques pour les parties les plus pourries. Bourreau, exécutez la sentence. Le bourreau s'empare d'une énorme pince et se penche sur le vélo. Une voix retentit dans le public. Attendez! Vous n'avez pas le droit. Qui êtes-vous? Bricoline Turbo, de la SPO, et présidente de la fondation qui porte mon nom. Ah oui, bien sûr, Bricoline Turbo, la fameuse Bricoline Turbo. Je me demandais quand est-ce que vous alliez vous manifester. Eh bien, Madame Turbo, allez-y, faites-nous part de vos griefs. Article 15, alinéa 6. De la charte électroménagère, il est interdit de démanteler un objet sans lui donner auparavant une chance d'exprimer les raisons de son dysfonctionnement. Mais on lui a déjà donné des chances de s'exprimer. Il ne veut pas parler. Vous devez essayer une dernière fois. Après tout, si vous y tenez, ça ne coûte pas grand-chose. Alors, Pouette-Pouette, avant de subir votre peine, avez-vous quelque chose à déclarer au public ou à communiquer à votre famille? La juge a raison. Pourquoi le petit vélo se mettrait-il à parler alors qu'il est muet depuis le début? Et pourtant... S'adressant au public. Y a-t-il parmi vous un traducteur de chansons qui fait pouette-pouette? Oui, moi. Monsieur... Alain Discret, reporter à El Chinois de Chine. Connais pas. Donc, vous dites que vous pouvez traduire ce que l'on vient d'entendre? Oui, ce n'est pas une chanson qui fait pouette-pouette, C'est un poème. Un poème? Oui, Pouette-Pouette est un poète. Il fait de la poésie et ne sait pas s'exprimer autrement. Ce que je comprends parfaitement. J'étais un peu comme ça dans ma jeunesse. J'ai commis quelques petites pièces poétiques que j'ai réunies dans une plaquette publiée aux... Excusez-moi, mais vos petits souvenirs d'ado boutonneux, inventent. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il a essayé de dire. C'était une élégie. Une élégie? Oui, un poème triste dans lequel il exprimait son désarroi de disparaître avant que l'inspecteur Lunaz ait pu réellement prendre sa défense. Ah oui, mais alors là, on va pas refaire le procès, hein. L'inspecteur Lunaz s'est déjà largement exprimé. Avant de mourir, il veut qu'on rende une dernière fois la parole à l'inspecteur Lunaz. Vous n'allez pas le lui refuser? Bon, je sens que si je refuse, je vais avoir toute la presse sur le dos. Qu'on aille chercher l'inspecteur Lunaz! Et vite! On peut pas! Comment ça, vous ne pouvez pas? Ben non, on l'a libéré! Elle disparaît en coulisses, mais on continue d'entendre l'échange de paroles. Comment ça, vous l'avez libéré? Alors que l'inspecteur Lunaz vient d'arriver sur la scène à la surprise générale. Inspecteur Lunaz! Pourtant, je n'ai pas prononcé la levée des coups. Ben justement, on a préféré être prudent, comme les roues étaient grippées. L'inspecteur veut s'emparer de la pince que le bourreau tient toujours dans sa main. Une lutte s'engage entre les deux hommes. Lunaz a enfin réussi à désarmer le bourreau. Pouette-Pouette est donc sauvé. Quoi? Les roues étaient grippées? Ben oui, on vous l'a dit l'autre jour. On ne voulait pas qu'il reste bloqué en prison à cause d'un écrou grippé. Oui, la prison, c'est l'école des vices. C'est vous-même qui nous l'avez dit. Mais soudain, Lunaz se rue sur le vélo et commence à le démonter. L'école du vice et pas l'école des vices. Vous mériteriez que je vous la refaire, la vie. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Non, c'est l'inspecteur Lunaz. Mais enfin, inspecteur Lunaz, que faites-vous? Arrêtez! Laissez-moi tranquille. L'inspecteur Lunaz, il est venu ici? Oui, pour interroger Tutter. Quoi? Lunaz est venu interroger Tutter? Cette nuit, mais pas d'inquiétude, il n'a rien prouvé. Il a dit qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il a rigolé et il a dit chat-lu. Et il a dit chat-lu. Oui, il est parti en disant chat-lu. Il est parti en disant chat-lu. Inspecteur, vous ne pouvez pas faire ça? Il avait confiance en vous. Confiance en son pire ennemi? Son pire ennemi? Mais non, vous n'êtes pas son pire ennemi. Vous êtes son ami. Que s'est-il passé? Je suis allé sur... Sur? Il s'effondre. Sur... Il est allé sur Internet. Et? C'était la première fois. Oh, le malheureux! C'était la première fois? Et vous l'avez laissé y aller tout seul? Non, je l'ai accompagné. Vous? C'est vous, Tutor, qui l'avez accompagné? Oh, le pauvre! Ah ben merci, je croyais que vous teniez avec nous. J'ai essayé de lui montrer le positif. Bon, il a vu ce qu'il a voulu voir. Et qu'est-ce qu'il a voulu voir? Je vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai éloigné des réseaux sociaux. Il verra ça plus tard, quand il sera plus costaud. Non, ce que je lui ai montré, c'est les forums d'entraide, pour lui prouver que les pannes n'étaient pas mauvaises pour les hommes, au contraire. Elles incitent les hommes à s'entraider, en s'insultant. Oui, il y a quelques frictions, mais pas seulement. Oui, il y a des cœurs et des smileys, ça dégouline. Et puis, on est allé sur YouTube, je lui ai montré des tutos. Comment forcer une serrure? Comment débrider une mobilette tout en ch'ti? Comment faire du slime? Comment aplatir une fourchette avec un marteau? Ah, vous avez apprécié! Ne dites pas le contraire! Oui, j'ai visité des jardins, des ateliers, des maisons. Et surtout des vies. Les gens parlent des objets, mais en fait, ils parlent surtout d'eux-mêmes. Parfois, c'est touchant. Arrêtez de faire le cachotier! Dites ce qui vous a le plus épaté. Une chaîne YouTube sur les petits vélos. Que des vidéos sur les petits vélos. Que des passionnés comme moi. C'était génial. Je me suis fait plein d'amis. Bah alors, je comprends pas. C'est bien. Oui, mais après, je suis sorti. J'ai quitté Internet. Et je suis sorti. Il n'y avait pas un chat dans la rue. Un chat ? J'étais tout seul. Plus un ami. J'ai couru, mais pas raisonné jusqu'en bas de la rue, au croisement pour aller à Deuillé, tellement il n'y avait personne. Alors j'ai compris. Compris quoi ? Que l'histoire recommençait comme avec lui. Se tournant vers le vélo. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Pourquoi je t'ai commandé au Père Noël ? Pourquoi je t'ai commandé au Père Noël ? Pour m'aider à rejoindre la bande de gamins qui tournait dans le quartier et qui semblait tellement unis. Je voulais avoir des amis, comme tout le monde. Et il n'a pas réussi ? Mais si qu'il a réussi ! Ah bravo, monsieur, bravo ! Vous avez réussi ! Grâce à vous, je les ai rejoints, ces gamins. Et je m'en suis fait des amis. Mais des amis à vélo. Des amis à vélo ? Ah, l'amitié à vélo, c'est très beau. On pédale tous dans la même direction et à la même vitesse. Mais attention, faut garder son souffle. Alors pas question d'échanger des impressions ou de raconter sa vie, de parler de ses goûts. Pas question de rire ensemble. Il faut pédaler. Vous appelez ça de l'amitié ? Mais enfin, c'est pas sa faute. Vous n'allez pas en faire le symbole de la fuite en avant de la modernité parce que vous êtes tombé sur une bande de morveux. Le symbole de la fuite en avant de la modernité. C'est exactement ça. Pour tenir en équilibre, il faut toujours pédaler, toujours pédaler, toujours aller de l'avant. Sinon, on tombe. Et plus on avance, plus on a le sentiment de laisser quelqu'un derrière soi. Ah, mais ça, je peux vous dire ce que c'est. C'est vos parents qui vous regardaient prendre votre essor et qui devraient être drôlement fiers. Non, c'était pas mes parents. Parce que mes parents, ils étaient trop occupés à courir dans tous les sens. Non, celui que j'ai laissé derrière moi, celui que j'ai voulu à tout prix distancer, c'est lui. Il montre ses propres mains. Enfin, non, c'est pas lui. Ce sera lui quand il aura cassé cette pétrolette et que je redeviendrai moi. Mais je ne comprends rien de ce que vous me racontez. C'est moi-même. C'est ma vérité profonde que j'ai abandonnée sur le bord de la route pour rejoindre des petits morveux dont j'ai tout oublié, même le visage. Se tournant vers le public. Mais attendez, je les reconnais. Ils sont là, c'est vous tous. Alors là, c'est de pire en pire. Nous sommes tous dans la même galère. Nous nous sommes tous lancés dans une fuite en avant pour nier ce que nous sommes. Des hommes et des femmes, tout simplement. Des homo erectus, capables de tenir debout sans être obligés de courir. Mais lui aussi, il est capable de tenir debout sans courir, grâce à ses petits trous à l'arrière. Ha ! Ces petits trous à l'arrière, ces fameuses petits trous à l'arrière. C'est par elles qu'il faut commencer. S'adressant à Pouette-Pouette. Ha ! T'as essayé de me rouler avec tes petits trous à l'arrière. Me faire croire que tu me comprenais. Mais je ne suis pas dupe. J'ai bien vu qu'elles étaient démontables. Que tu n'attendais que l'occasion pour me larguer tout cuit dans le grand rush. Eh ben alors allez-y, démontez-le, cassez-le. Et ensuite faites la même chose avec le reste, avec tout ce qui nous aide à vivre. Tout ce qui est beau, y compris les souvenirs d'enfance, la vaisselle de grand-mère, les instruments de musique. Enfin je sais pas moi, vous allez en trouver des choses à casser. Le naze hésite. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Le bourreau se met à pleurer. Retour d'Alain Justine. Elle a raison. Il faut tout casser, y compris lui. Elle désigne Teuteur. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez peur, c'est ça ? Peur ? Moi ? De quoi j'aurais peur ? Ben, je ne sais pas, moi. De ce que je pourrais raconter. Raconter quoi ? Allez-y, franchement, jouez pas aux devinettes. Ah, j'en ai vraiment pas envie. Je préfère donner ma langue au chat. Vous lui avez peut-être tout dit, mais vous voyez bien que c'est pas son problème. C'est pas lui que je pense. Quoi ? Vous les avez prévenus ? Les chats ? Mais les chats, ça ne va pas sur Internet. Oh, dans un monde où un ordinateur peut discuter avec un juge, tout est possible. C'est pas vrai. Vous n'avez pas. Ils ne peuvent pas. Au secours, ils sont là. Aidez-moi. Cachez-moi. Défendez-moi. Ce n'est rien. Ce ne sont que des chats. Ce n'est pas grave. Le naze, Bricoline et Alain Discret observent de loin la scène d'un air dégoûté. Alain Discret tend son micro à Bricoline. Une déclaration face à ce carnage. Je fais simplement remarquer que ce ne sont pas des objets qui ont mis dans cet état. Ce sont des chats. Alain Discret se tourne vers le naze. Inspecteur le naze. Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est quand même encore la bande à Teuteur qui est derrière ça. Il aperçoit les fans qui reviennent. En plus, ils osent revenir. Non, là, ce sont les fans. Et Marie-Thérèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réagir. On va pas rester là à rien faire. Quoi? Vous voulez... écrabouiller la bande à Teuteur? Vous avez vu ce qu'ils viennent de faire? D'abord, il y a déjà eu le Minitel et Mesurette. Et pourtant, Mesurette, c'était pas une simple balance, c'était un pèse-lettre. Elle savait peser ses mots. Et moi, c'est ma mise à peine qui me... Pour moi, c'était la grand-mère de Smarty, de Tabula. Je sais pas, quoi, c'était la famille, quoi. C'était... Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est joli. Après tout, vous avez raison. Pourquoi ai-je douté? S'adressant à Bricoline. C'est à cause de vous, hein? Il faut en finir avec toute cette racaille. La fan de Tabula aperçoit un des objets en coulisses. Ils sont là! Ils se précipitent tous vers la coulisse, sous le regard inquiet de Bricoline Turbo. Attendez! Il s'arrête et la regarde méchamment. Ils disparaissent en coulisses. On entend quelques bruits de lutte, ainsi que des paroles. Ça y est, je te tiens, petit con! Bouge pas, bouge pas! Les mains sur le capot! Tu éteins ça immédiatement! Tu éteins ça immédiatement! Les fans, sauf le fan de Toto, réapparaissent rapidement avec de multiples objets. On reconnaît le PC portable, le boulier, la télévision, etc. Mais ils n'ont plus rien d'humain. Ce sont de simples objets que l'on dépose sur la scène. Dire que c'était ça, nos idoles, c'est fou. Marie-Thérèse, ça te dérange si je demande un autographe? Regard noir de Marie-Thérèse. Mais non, je rigole. Allez, on y va. On les éclate. Ouais, on les éclate. Mais comment on fait? Le fan de Toto réapparaît, brandissant un marteau. Il est suivi de Lenaz et Bricoline. On prend ça. C'est ça. Allez-y. Le fan de Toto lève le marteau au-dessus de l'ordinateur. Et vite, qu'on puisse s'occuper du reste. C'est le grand nettoyage. La destruction généralisée. Voitures embouties, vitres explosées, vaisselle cassée, écran d'ordinateur, de télé, de tablette, de smartphone, réduit en bouillie, et la rue transformée en déchetterie, les armoires entassées, les toits crevés, les immeubles abattus, les avenues, les autoroutes, les magasins, les écoles, les usines, les villes, le monde pulvérisé. Partout des fractures, des cassures, des déchirures, des bousillages, des carnages, des dégradations, des démolitions, des désintégrations. Partout la désolation, la désorganisation, la dévastation, la disparition, la dissolution. Partout des écrasements, des écroulements, des effondrements, des étouffements. la ruine. Et puis soudain, la campagne. Septième partie, épilogue. L'inspecteur Lenaze et Alain Discret apparaissent, habillés en marcheurs, un bâton à la main. Ils regardent vers le public, comme si c'était une image du passé. Alors, que ressentez-vous en remuant tous ces souvenirs? De la fierté, je suppose. Surtout de la tristesse. Pouette-pouette? Oui, bien sûr, pouette-pouette. Vous savez que j'ai dû aller jusqu'au bout. Il le fallait pour vous convaincre tous. Ces derniers instants ont été très durs. Je me réveille encore certaines nuits en croyant l'entendre chanter. Et je me vois avec ma tenaille en train de le... C'est horrible. Et pour la juge crier aussi, c'est horrible. Effectivement, mais que faire? Elle était trop atteinte, trop aliénée par les objets. Cette nouvelle société ne pourrait réussir qu'avec des êtres neufs, vraiment innocents. Vous les entendez? Les enfants, ce sont eux notre espoir, notre avenir. Monsieur l'inspecteur! Oui, mes enfants? Il y a encore des pannes! Oui, il y a des pannes! Oui, ça pleut de partout! Des pannes de quoi? Tout est parti à la casse. Mais approchez! Les enfants restent en coulisses. Qu'ils sont timides. Non, mais là, c'est comme on a cliqué sur le bureau. Non, pas sur le bureau, sur le fond d'écran. Pareil, laisse-moi parler. Et on n'a pas su mettre les nuages dans la corbeille. Pourtant, on a cliqué dessus, mais ça n'a pas sélectionné. Ah, j'ai compris. Si vous appelez le bureau au fond d'écran, c'est le ciel. Et vous allez voulu sélectionner les nuages pour les mettre dans la corbeille. C'est mignon. C'est charmant. Mais c'est impossible, mes enfants. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a les grandes applications là-bas. Avec des bras tendus. Ah oui, les smileys rouges, tout sucré. C'est vachement bon. Des cerises, vous voulez parler des cerises? Oui, et ben ça tweet vachement tout en haut. Ils sont en train de faire le buzz. Ah, vous voulez dire que les oiseaux sont en train de manger les cerises? En plus, il y a le voisin qui a planté des followers. Ça va encore plus tweeter. Des fleurs, vous voulez dire des fleurs? Mais ça, il n'y a pas de danger. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça. Moi, je veux parler des grandes applications là-bas, avec des bras tendus. Comment on appelle ça? Des arbres. Eh bien, les arbres qui sont là-bas, au bout de la rue, eh bien, les feuilles, c'est ça? Oui, les feuilles. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont, ces feuilles? Elles pendent. Et même, elles tombent. Bon, de quel type d'arbre s'agit-il? Allez nous chercher ces feuilles. Un des enfants entre sur scène. En fait, ce n'est pas tout à fait un enfant. C'est Tabula, la tablette. L'inspecteur la reconnaît, mais il reste sans voix. Tabula tend au journaliste une feuille de frêne. Alain Discret saisit la feuille. Ah, le frêne. Fraxinus excelsior. Dans certaines cultures, il symbolise l'homme étourdi, car il ne voit pas l'arrivée du printemps et reste longtemps dénudé. Par contre, à l'automne, il perd ses feuilles avant tout le monde. Entrée de Toto et de Bouboule. Lenaze les reconnaît, eux aussi. Mais il est toujours sur le coup de la surprise. Il n'arrive pas à parler. Oui, mais là, on est au mois de juin. C'est vrai que... Il n'y aurait pas un rapport entre ces feuilles qui tombent et le réchauffement climatique? C'est vrai que... Parce que nous, on trouve que c'est pas normal. C'est vrai que... Ouais, c'est pas normal. On fait le procès des objets quand ils tombent en panne et on fait pas le procès de la Terre quand elle tombe en panne. Parce que c'est ça, hein. Elle est en panne. Elle est en panne. Oui, et elle a pas prévenu. Richesse naturelle, ressources inépuisables, mon œil. Moi, je voudrais bien voir le bon garanti. Allons, allons, mes enfants, du calme, du calme. Je crois qu'il y a un malentendu. Nous allons... Mais bien sûr qu'il y a un malentendu. Ces revendications idiotes, cet égoïsme envers la nature qui a rendu leur création possible, vous ne les reconnaissez pas? Mais bien sûr, ce ne sont pas des enfants, ce sont... Entrée de Teuteur et de Mamie Zapette. Les objets. Teuteur et toute sa bande. Mais c'est incroyable, vous avez été détruits sous nos yeux. Nous sommes une grande famille. C'est l'inspecteur Lenaz qui l'a dit. On les reproduit partout à des millions d'exemplaires. Alors quand il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui sort de l'emballage à sa place. Nous sommes indestructibles. C'est au tour d'Alain Justine Crier d'apparaître. Mais est-ce bien la même personne? Son regard est figé, ses gestes sont mécaniques. On dirait un robot. Indestructible et omnipotent, car notre pouvoir sur les hommes est maintenant total. Alors, Justine criait. Mais alors là, je suis encore plus perdu. Les chats vous ont déchiqueté. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était même horrible. C'est vrai qu'elle ressemble à la juge. On a bien bossé. On a repris la carrosserie. Mais on a tout changé à l'intérieur. C'est bourré d'électronique. Et c'est ce qui vous attend. On va déposer votre cerveau. Où est-ce qu'il en reste? Et on va le remplacer par un logiciel. Pilotable par ordinateur. Et l'humanité sera notre esclave. Allez, Titine, chope-les. Allez, hop! Tout de suite à la boucherie. Tout de suite à la boucherie. Tout de suite à la boucherie. Tout de suite à... De toute évidence, Alain Justine s'est bloqué. Le naze et Alain Discret en profitent pour se sauver. Et ben voilà, elle est coincée. Elle n'est pas encore au point. C'est normal, c'est un prototype. C'est peut-être la vis, là. Y a pas un peu trop de jeu, là? Ou alors c'est le programme. Ou le capteur. Allez, hop! Tout de suite à la boucherie. Tout de suite à la boucherie. Comment on l'éteint? Allez, hop! Je me demande si c'est pas là. Tout de suite à la boucherie. Faut pas tourner l'oreille? Non, moi je crois que c'est dans la boîte crânienne aussi. Allez, hop! Tout de suite à la boucherie. Tout de suite à la boucherie. Allez, hop! Avec les voix de La Guédan, Marie-Amélie, Camille et Toc. Tu veux la voir ma balle? Charlotte, Claude. Eh oui, je suis une balance, c'est pour ça que je m'appelle Mesurette. Robin, Gosse. Attention, ça va tomber. Loane, Garbé. Moi je dis bien, Marie-Amélie, parce que c'était la famille. Louane Gilotin. Je vis un drame affreux et madame vient me parler d'un aspirateur. Erwan Lagaude. Les objets sont complexes parce que l'homme est complexe. Oui, ouais, Mathis Lourenceau. Je ne suis pas un fan de l'inspecteur Lenaz, je suis l'inspecteur Lenaz. Aude Stéchen. Maël Terouane. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Elle chez moi déchaîné, la chaîne qui se déchaîne pour vous enchaîner. Patrick Lausson. Il est dur, Et n'oublions pas deux personnes qui ont participé au projet avant le confinement et n'ont pu être présentes lors de la séance d'enregistrement. Apolline Bietrix et Rémi Durieux. Pièce enregistrée au Collège de la Chénois de Saint-Gobain dans le respect des règles de distanciation le vendredi 26 juin 2020.